Cours numéro 32. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-imam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa tu'minu al-firqatu al-najiyatu ahlus sunnati wal jama'ah, bil qadari khayrihi wa sharrih, wal imanu bil qadar ala darajatayn. كل درجة تتضمن شيئين. فالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الفصل il a cité un fondement très très important. الإيمان بالقدر أي la croyance au destin. الإيمان بالقدر خيره وشره أي que ce destin soit bon ou mauvais. فيجب الإيمان أن الذي قدر هذا الخير أو هذا الشر c'est Allah سبحانه وتعالى. Celui qui a décrété toute chose, qui a créé toute chose, سبحانه وتعالى, c'est Allah. Donc on doit avoir هذا الإيمان العظيم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر. Donc parmi les fondements de أهل السنة والجماعة, هذا الإيمان العظيم بالقدر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية dans notre متن il a simplifié, il a clarifié, il a résumé هذا الأصل avec un كلام جميل جدا. من فهمه, celui qui a compris ce فصل, ce chapitre sur القدر, فإن شاء الله تعالى il sera على خير في هذا الباب. C'est un كلام très très profitable. Il a résumé la croyance des salafs en quelques lignes. فَنَسْأَلُ عَزَّ وَجَلَ أَنْ يَرْحَمَهُ. قَالَ وَتُؤْمِنُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِّهِ. وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ عَلَى دَرَجَتَيْنِ كُلُّ دَرَجَةٍ تَتَضَمَّنْ شَيْئَيْنِ. Donc, l'imam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a montré que hadha al-qadr, il est fondé sur deux daraja, deux niveaux. Et chaque niveau, il comporte deux points. Deux niveaux, chaque niveau, deux points. Donc, ça fait quatre choses. Falihada, ba'd al-ulama, yaqulun anna al-iman bi al-qadr yatadhamman maratib arba'a. Quatre degrés. Wal-amru sahl. Qu'on dise deux niveaux, chaque niveau avec deux points où on dit quatre degrés. فالأمر واسع. L'essentiel c'est de comprendre. والعلماء فصلوا بهذا التفصيل لماذا؟ لأن أهل الضلال والانحراف ils n'ont pas tous au même niveau dans leur égarement في القدر. بعضهم ils ont accepté certains points, ils ont rejeté d'autres. بعضهم ils ont exagéré dans un point et ils ont délaissé l'autre. وهكذا. فلهذا العلماء pour faciliter ils ont cité ces degrés qui sont fondés sur des textes clairs من القرآن والسنة النبوية. Et هذا c'est من العلم. أي ce genre de تقسيمات. أي أن العلماء ils divisent certaines مسائل en plusieurs points, en plusieurs catégories, en chapitres, en sous-chapitres, c'est pour nous faciliter. Donc رحمة الله عليه il a cité deux darajas. Et chaque daraja comprend deux points. قال رحمه الله فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. وفي نسخة dans une autre version قال الإمام ابن تيمية رحمه الله الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم. Et لعلها هذه الأصح. Dans les autres nusakh, dans les autres versions de Al-Wasitiyah, à la place de alim, c'est alima, أي un فعل. علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم. Et ça a le même sens. على كل حال, أن هذه المرتبة, le premier degré, de l'iman bil-qadr, c'est de croire que Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam kulla shay. Fa Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'alim, C'est le Khabir, Subhana. Il sait tout, il connaît tout, le passé, le présent, le futur. Al-Zahir wal-Batin. Al-Ghayb wa-Shahada. Le visible, l'invisible. Ce qui est petit, ce qui est grand. Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Bikulli shay'in alim. Donc, nu'min bi anna Allah, Subhanahu wa Ta'ala, alima. Mal khalqu amilun bi ilmihi al-qadim. Le lien avec le qadar. Aïe, sifatul ilm, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Le lien avec le qadar, il est clair. Aïe, tout ce que les créatures, elles font, et tout ce qu'elles feront, et tout ce qu'elles ont fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a su tout cela avant la création de ces créatures. Falihada qala, bi ilmihi al-qadim, alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abada. علمه القديم أي هنا القديم بمعنى الأزل أو الأزلي والأزلي c'est quelque chose qui n'a pas de début. فقوله بعلمه القديم أي الله سبحانه وتعالى il a toujours eu l'attribut du علم de la science. فالعلم c'est une صفة ذاتية. الله سبحانه وتعالى il a toujours eu du علم et il aura toujours du علم et son علم il est parfait, il sait tout. سبحانه وتعالى فلهذا قال الذي هو موصوف به أزلا وأبدا الأزل c'est هذا العلم il n'a pas de début أي الله il a toujours eu l'attribut de la science وأبدا c'est quelque chose qui n'a pas de fin فالله سبحانه وتعالى il aura toujours هذا العلم الكامل المطلق الله سبحانه وتعالى il aura toujours la science parfaite قال وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. الله سبحانه وتعالى il sait tout bien sûr que ce soit الطاعات les obéissances أو المعاصي أو les péchés que les êtres humains y font والأرزاق الأرزاق c'est tout ce que Allah سبحانه وتعالى y donne que ce soit رزق الأجسام الأبدان أو رزق القلوب الله سبحانه وتعالى sait tout. Chacun qui reçoit une chose, qu'elle soit petite ou grande, apparente ou cachée, فالله سبحانه وتعالى يعلمه. قال والأجل. الأجل c'est la durée de vie. Des milliards d'êtres humains. والله أعلم combien de millions ou de milliards de djinns. Et d'animaux, et de plantes, etc. فالله سبحانه وتعالى يعلم أجل الجميع, la durée de vie de chacun. Tout ça, c'est comment ça y est-il, et c'est le deuxième niveau. Cheikh Al-Islam, rahimahullah, il a cité en deux points sous la première daraja. Et بعض العلماء, il le cite comme deuxième degré. Al-Amr Sahl, نحن, on l'appellera deuxième point. أن الله عز وجل il a écrit tout cela في اللوح المحفوظ. Donc, الدرجة الأولى comprend deux choses très très importantes. الإيمان بعلم الله عز وجل la croyance أن الله سبحانه وتعالى il a la science parfaite, il sait tout عز وجل. Et le lien avec le qadar il est clair. أن tout ce qu'on fait c'est بعلم الله عز وجل الله سبحانه وتعالى il le sait avant qu'on le fasse. Bel avant de nous avoir créé عز وجل. Et كذلك الإيمان أن الله عز وجل كتب ذلك في اللوح المحفوظ أن الله عز وجل il a écrit tout cela في اللوح المحفوظ il traduit par la table gardée فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى il sait tout et il a tout écrit فلهذا قال ثم كتب في نسخة كتب الله أما هنا لفظ الجلالة il est pas cité ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادر الخلق في نسخة الخلائق فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة Donc الله سبحانه وتعالى il a tout écrit في اللوح المحفوظ مقادر الخلائق أي le destin de chaque créature قال et il a cité الحديث comme preuve, فأول ما خلق الله القلم, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé al-qalam. Al-qalam, c'est une créature parmi les créatures d'Allah azza wa jal. Al-qalam, c'est une plume. قال له اكتب. الله سبحانه وتعالى il a créé هذا القلم pour que هذا القلم il écrive tout ce qui se passera. فكنت الله سبحانه وتعالى il a ordonné هذا القلم بقوله اكتب اي اكري c'est un ordre. فهذا القلم il a répondu قال ما اكتب qu'est-ce que je dois écrire. فقال عز وجل اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة écrit tout ce qu'il se passera jusqu'au jour du jugement. Ça nous montre en Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il sait tout. Et que d'ailleurs, il a créé ce qalam pour qu'il écrive tout. Fil lawh al mahfouz. Qala al hadith, il est thabit. Al-imam al-wadi'i, rahmatullah alayhi, il l'a cité fi al-jami' al-sahih fi al-qadr. ثم قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم il a cité les preuves من القرآن. Donc il a cité un dalil من السنة أو deux plutôt sur الكتابة. ثم le deuxième فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه. أي tout ce qui touche l'insan ça devait forcément le toucher. لماذا لأنه c'était écrit من قبل. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété cette chose qui te touchera. Enfin, forcément, elle te touchera. فَمَا أَصَابَ الْإِنسَانَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ. Et une chose qui ne t'est pas destinée, tu ne l'auras jamais. Et Cheikh Sa'di, rahmatullah alayhi, dans son charh, il a cité des fawa'id azimah. Et هذا الإيمان بالقدر, celui qui a cette conviction, cette croyance, en la tout est écrit, tout est destiné, là chacun de nous, ça va calmer son cœur, ça va l'apaiser. لماذا لأنه إلى هذا الإيمان العظيم. Et inshallah ta'ala, on lira كلام الشيخ سعدي. قال وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف. نعم. أي Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout écrit et rien ne peut changer. Al-Hadith, le deuxième, sahahahu al-imam al-Albani rahimahullah fi dhilal al-Jannah et كذلك Sheikh Mokbin hassanahu fi al-Sahih al-Musnad. Ala kulli hal, هذه الأحاديث صحيحة. Yadi al-Fad, ka qawlihi jaffatul aqlam wa tuwiyat al-Suhuf, fiha al-Za'af certaines riwayat, lakin Al-Ma'na la shakanahu il est sahih. Il y a des autres narrations avec des autres mots qui montrent le même sens. Wallahu ta'ala a'lam. Thumma il a cité rahmatullah alayhi deux versets du Coran. Le premier verset, qala azza wa jalla lam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi s-sama'i wal-ard. Ça c'est ad-dalil anna Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout. Et c'est le premier degré. Al-imanu bi anna Allah ta'ala alima ma l-khalqu amilun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout ce qu'on fera. Alam ta'lam anna Allah ya'lam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Qawlu inna dhalika fi kitab, inna dhalika ala Allah yassir. La deuxième partie, c'est un dalil sur le kitab. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout écrit. Inna dhalika fi kitab. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Et tout est écrit dans un livre. Le deuxième verset, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Na'am. كذلك c'est un dalil sur الكتاب. من قبل أن نبرأها أي أن نخلقها إن ذلك على الله يسير. Donc ces versets montrent clairement que Allah subhanahu wa ta'ala il a tout écrit في اللوح المحفوظ avant de créer هؤلاء, cette créature. Donc هذا inshallah ta'ala c'est clair. La première daraja, le premier niveau, deux points importants. Al-Iman bil-ilm, an Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout. Et deuxièmement, Al-Iman bil-kitab, an Allah subhanahu wa ta'ala il a tout écrit. الدليل قوله تعالى: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ثم قال رحمه الله: وهذا التقدير تابع dans une نسخة التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ أي قد كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق حينئذ الجنين في نسخة إذا خلق جسد الجنين أقرب إذا خلق جسد الجنين أي quand الله سبحانه وتعالى il crée l'enfant l'embryon dans le ventre de sa mère قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. ثم رحمة الله عليه إلى ستة أن هذا التقدير التابع لعلمه سبحانه. Donc on voit bien le lien entre les deux premiers degrés que Cheikh Al-Islam, rahimahullah, il a cité sous la première daraja, le premier niveau. أي العلم plutôt الكتاب قال التابع لعلمه. Vu que Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout et il a tout écrit, donc le fait qu'il a ordonné le qalam d'écrire, ça suit, ou ça, bien sûr, ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout. Donc ces deux premiers points, al-ilm wal kitaba, ils sont liés. قال يكون في مواضع جملة وتفصيلا. Cheikh Ibn Uthaymeen رحمة الله عليه قال قوله في مواضع يعني مواضع غير اللوح المحفوظ ثم بين هذه المواضع. أي شيخ الإسلام هنا il a démontré رحمة الله عليه أن الكتابة il y en a plusieurs. La première kitaba, c'est une kitaba générale. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout écrit في اللوح المحفوظ, dans la table gardée. Et هذا تقدم معنا. ثم الله سبحانه وتعالى كذلك مثلا quand الجنين quand l'embryon il est dans le ventre de sa mère ثم الله سبحانه وتعالى il lui insuffle l'âme à partir de 4 mois الله سبحانه وتعالى il ordonne à un ange d'écrire كذلك d'écrire ما يتعلق بحياة هذا الإنسان أي Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne à cet ange d'écrire des choses qui sont liées directement à la vie de cette personne. Ay, comme a dit le hadith, rizqahu wa ajalahu wa 'amalahu shaqiyyun am sa'id. Son risque, toute sa subsistance. L'insan, il est dans le ventre de sa mère. L'âme, elle vient de lui être insufflée et un ange il a déjà écrit tout son risque. Ça nous montre on doit faire les causes, bien sûr. Lakin, si une chose, on n'arrive pas à la voir, Allah subhanahu wa ta'ala qaddarana, cette chose, on ne l'a pas, on doit se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et accepter al-qadr. Limada li anna hada, c'est écrit avant que tu sois créé, akhi al-karim, ayyuhal abd, ayyuhal insan, qala, wa ajalahu, al-ajal c'est la durée de vie. وعمله ses œuvres وشقي ام سعيد est-ce qu'il sera heureux ou malheureux et est-ce qu'il va réussir ce test في الدنيا ام لا. قال ونحو ذلك فهذا التقدير قد كان ينكره الى اخره. شيخ ابن عثيمين رحمه الله il a résumé هذا الكلام المفيد قال فهذان موضعا. Donc tu as deux choses. الاول اللوح المحفوظ أي à deux moments, pour l'instant, dans le kalam qu'on a, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au premier moment, au kalam d'écrire, في اللوح المحفوظ, et au deuxième, قال شيخ ابن عثيمين, الكتابة العمرية التي كان للجنين في بطن أمه. La deuxième, l'ulama, il l'appelle الكتابة العمرية. العمرية, ça vient du mot عمر, أي la durée de vie, ou la vie. Donc c'est une kitaba qui est liée à la vie de l'être humain, aïe, sa subsistance, est-ce qu'il va réussir, amla, etc. Qala, wa sabaqa daliluha fi hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Al-Mu'allif, rahimahullah, Cheikhoul Islam, il a cédé une partie filmée. Aïe, qawluhu, uktub rizqahu wa ajalahu, tout ça, c'est un hadith, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et le hadith, il est fi al-Sahihayn. ثم شيخ العثيمين أفاد أنه يا تخوازيام مومو الموضع الثالث أي بارابور الكتابة ما أشار إليه بقوله ونحو ذلك سا نو مونتر أن الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى ريزومي جدا هنا وإلا فبعض العلماء توسعوا جدا سوغ هذه الكتابات أي الكتابة العامة اللوح المحفوظ par rapport à la vie de l'être humain quand il est dans le ventre de sa mère. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il en a cité une troisième qu'on va lire ensemble. Celui qui veut approfondir ce sujet par rapport à Al-Kitab et plus globalement sur le Qadar, فأحسن الكتب والله تعالى أعلم c'est Kitab Shifa'ul Ali de l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi. Un kitab nafis jiddan et il a détaillé hadhihi al-masail bi kalam ilmi avec un kalam qui est fondé sur l'adilla fa rahimahullah. Al-mawdi' al-thalith qala ma ashara ilayhi bi qawlihi wa nahwa dhalik wa huwa at-taqdir al-hawli alladhi yakun fi laylat al-qadr fa inna laylat al-qadr yuktabu fiha ma yakun fi tilka as-sana. كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين نعم قوله فيها يفرق كل أمر حكيم la troisième كتابة أي on a des textes qui montrent que à un troisième moment les choses elles sont écrites كذلك c'est la nuit du destin. فيها يفرق كل أمر حكيم. La nuit du destin, c'est l'écriture, elle est liée à tout ce qui se passera durant l'année. Maintenant, cette nuit du destin qui arrive, enfin, tout ce qui se passera dans l'année qui suivra, ça sera écrit. Et l'insan, toute sa vie, quand il est dans le ventre de sa mère. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avant de créer les cieux et la terre, les êtres humains, etc., il a créé le qalam et lui a ordonné de tout écrire. Donc tu as plusieurs écritures. Tu as l'amma fil lawh al mahfouz, tu as as-sanawiyya, celle qui est à l'année durant Laylatul Qadr, et tu as celle qui est liée à la vie de l'être humain dans le ventre de sa mère. Et ala kulli hal, nahnu nu'min bihadha jami'an. Pourquoi? Parce que les textes ils sont clairs, aqsa. Dans le Coran, dans le Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et hada kullu, ça rentre dans ce deuxième point, ce deuxième degré, al-kitab. Thumma qala rahimahullah, fa hada al-taqdir, qad kana yunkiruhu ghulatu al-qadariya qadiman, wa munkiruhu al-yawma qalil. Hada al-taqdir, ce premier point, ma yata'allaq bil-ilm wal-kitab, à l'époque, al-qadariya al-ghula, la secte Al-Qadariya, c'est un groupe qui se sont égarés dans le domaine du destin. Et on a détaillé les égarements de cette secte dans notre série sur les sectes en islam. À l'époque, quand ils sont sortis, au départ, Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhu, il était encore vivant. Et ils l'ont informé anna qawman yaqulun anna al-amra unuf. Kama taqaddam ma'ana kathiran. Al-hadith est sahih muslim. Al-Amr Unuf, ils ont rejeté hadhihi daraja, la première. An Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lam ma waqa' illa ba'd wuqu'i. Et ça, c'est de la grande mécréance. Falihada Abdullah ibn Umar radiallahu anhu kaffarahum, tabarra'a minhum. Il a informé celui qui lui a cité anna cette secte elle est sortie en Irak. Il l'a informé annahu, il se désavoue d'eux. Ah, c'est pas des musulmans. Limadha li annahum, ils ont rejeté ilm Allah azza wa jalla. Et hada c'est du ta'n fi rabbil alamin. C'est accuser Allah subhanahu wa ta'ala d'être ignorant, de ne pas savoir. Fa hum qalu anna Allah azza wa jalla, il connaît ce qu'il se passe une fois que c'est arrivé. Et ça, c'est très très grave. L'être humain, Kadalik, tu connais les choses quand elles arrivent. Ils ont accusé Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont prétendu qu'il était ignorant à un moment donné. Et ça, c'est de la mécréance. قال الإمام نتيمية قد كان ينكره غلاة القدرية قديما هذا c'était à l'époque et هؤلاء c'est des كفار et à l'époque de Cheikhul Islam قال ومنكره ومنكره dans une nusra et dans notre livre ومنكره اليوم قليل et ceux qui rejettent cette première daraja العلم et celui qui rejette العلم forcément il rejettera le kitab لأن الكتاب l'écriture bien sûr elle est fondée sur العلم Allah subhanahu wa ta'ala il a tout écrit parce qu'il savait tout. Donc celui qui rejette cette première daraja, là chaque fait kufri. Il n'y a aucun doute, annahu c'est un kafir, un mujrim. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله وهؤلاء الذين ينكرون علم الله بأفعال العبد حكمهم في الشرع أنهم كفار لأنهم كذبوا قول الله تعالى والله بكل شيء عليم. C'est des kuffar. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté des textes clairs min al-Qur'an. فتأمل قوله عز وجل والله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى يستو قوله بكل شيء ça englobe le passé, le présent, le futur, l'apparent, le caché, le visible, l'invisible. أما هؤلاء قالوا لا ils ont dit il sait quand ça arrive. أما avant فلا فهؤلاء عياذا بالله c'est des كفرة. نعم كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أما اليوم à notre époque et à l'époque de شيخ الإسلام ceux qui rejettent هذا s'ils existent encore ils sont قليل وإلا فالإجارement il est surtout par rapport à la deuxième درجة le deuxième niveau qui englobe deux autres points أي المشيئة والخلق المشيئة la volonté et الخلق que Allah سبحانه وتعالى il a tout créé وهنا حصل انحراف من بعض الطلاب القدرية والجبرية ثم قال رحمه الله وأما الدرجة الثانية le deuxième niveau قال فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض في هذه النسخة ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. Ce deuxième niveau, il comporte deux points. Le premier, الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. العلماء l'appellent المشيئة, la volonté. Tout ce qu'il se passe, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas une chose, cette chose, elle ne se passe pas. Donc on a هذا الإيمان العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله. Tout ce qui se passe dans les cieux, sur la terre, chaque créature qui bouge ou qui ne bouge pas, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yakun fi mulkihi ma la yurid. Tout ce qu'il y a dans le mulk d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bi iradati Allah azza wa jalla. Bien sûr, on a l'irada al-qadariya al-kawniya. Et la'alla Cheikh Ibn Uthaymeen, il a précisé hada, na'am. Qala wa annahu subhanahu ala kulli shay'in qadir min al-mawjoodat wal-ma'dumat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. C'est lui qui crée, c'est lui qui fait disparaître, c'est lui qui guide, c'est lui qui égare. Enfin, même une chose. Donc, c'est bimashi'atillah subhanahu wa ta'ala. Et le lien avec le qadar, il est clair. Tout ce qui se passe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a décrété. Donc, la guidée de un tel, Allah il l'a voulu. L'égarement de un tel, Allah il l'a voulu. La naissance de un tel, Allah il l'a voulu. Que Fulani meure, Allah il l'a voulu. Fulani il s'enrichit, Allah il l'a voulu. Fulani devient pauvre, Allah il l'a voulu. Ça englobe tout. Mashiyatullah subhanahu wa ta'ala, l'âme. Amma, qawluhu, wa annahu subhanah, illa bi mashiyatillah subhanah, la yakun fi mulki ma la yuri. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a précisé, anna huna, c'est l'irada al-qadariya. الكونية. لماذا؟ لأن الإرادة الكونية ستوس كي سباس في هذا الكون. ميم لي شوز موفيز سي بإرادة الله عز وجل، أي الكونية. سي بور سا كو بعض العلماء ديفيرونسي زابيل الإرادة الكونية المشيئة، الإرادة الشرعية لابيل إرادة بور سامبليفي. أما سو كي ديز إرادة فاي ديفيرونسي كونية شرعية، وهذا أون لا ديتايي هذا التقسيم أو ديبي دو ليفر عند قول المؤلف بارابور نعم صفة الإرادة فعال لما يريد عند هذه الآية دوتر فيرسي سور الإرادة. Et on répétera هذا إن شاء الله تعالى لأن c'est مهم pour comprendre باب القدر. ثم قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. Le dernier point, le dernier degré, et c'est le deuxième point du deuxième niveau. Le premier c'est le Mashi'a, le deuxième c'est Al-Khalq. Et toutes les créatures c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créées. Il n'y a qu'un créateur. فَلِهَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ لَا خَالِقَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ. فَأُنا un خالق c'est Allah subhanahu wa ta'ala et on a Al-Makhluq, c'est toutes les créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a tout créé. On répète les quatre. Al-ilmu, c'est le premier degré. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Le deuxième, Al-kitab, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout écrit. Il a créé le qalam, il lui a ordonné de tout écrire. Le troisième degré, Al-mashi'a, la volonté. Tout ce qui se passe, c'est par la volonté d'Allah azza wa jalla. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas une chose, elle ne se passe pas. Bien sûr, on parle de l'irada al-kawniya al-qadariya. La quatrième chose, al-khalq, en Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé. Si tu as compris ces quatre degrés, ces quatre niveaux, ces quatre points, fa'bi'idnillahi azza wa jal, tu vas comprendre la voie de Ahl al-Sunnah, la croyance des salafs, fi bab al-qadr. Vu que ba'd an-nas, ils ont mélangé fi hadha al-bab, ils ont négligé certains points, ils ont exagéré dans certaines مسائل, ils se sont égarés عياد بالله. قال رحمه الله ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله. أولا, avant de continuer, ننظر est-ce que Cheikh Ibn Uthaymeen il a ajouté quelque chose. قوله رحمه الله فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه. قال Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله المهم أن الله تعالى خالق كل شيء وأن لا خالق إلا الله فيجب الإيمان بعموم خلق الله عز وجل. Donc on doit avoir cette croyance, cette conviction que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur de toutes choses. قال حتى أعمال العباد, et ça c'est important, حتى أعمال العباد. لماذا؟ لأن on a un groupe égaré qui s'appelle Al-Qadariya. Ils prétendent que أعمال العباد, les actions, les actes de l'être humain, c'est pas Allah qui les a créés. Et l'être humain crée ses propres actes. لماذا؟ لأنهم ils ont une شبهة, certains êtres humains ils font des mauvaises choses. Et si tu dis qu'Allah il a créé les mauvaises choses, pour eux c'est interdit. Donc ils disent que c'est l'être humain qui crée ses œuvres. Et هذا c'est de l'égarement. لماذا؟ لأن on a cette conviction أن الله خالق كل شيء. Allah سبحانه وتعالى il a tout créé. Si on dit que l'être humain c'est lui qui crée ses œuvres, ça veut dire qu'il y a un autre créateur. Bel, il y a des milliers, des milliards de créateurs. Ayyadan billah. Chacun crée ses œuvres. Allez, hada qala Cheikh Ibn Uthaymeen, li qawlihi ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay. Qawluhu kulli shay, ça englobe tout. Ça englobe toutes les choses créées, comme on a dit. Wa illa fa Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, ils ne sont pas créés, bien sûr. Allah, c'est le créateur. Et les attributs, c'est les attributs du créateur. قال وعمل الانسان من الشيء فقوله خالق كل شيء. Allah il a créé toutes choses et nos œuvres c'est des choses. On parle, on se déplace, on mange, on dort, tout ça c'est créé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé, qui a créé nos œuvres. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا والآيات في هذا كثيرة. قال وفيه آية خاصة في الموضوع وهو خلق أفعال العباد. فقال إبراهيم لقومه والله خلقكم وما تعملون. فالله سبحانه وتعالى لا سيتي لا بارول دو ابراهيم في سورة الصافات قوله والله خلقكم وما تعملون اي الله سبحانه وتعالى vous a créé et ce que vous faites. فتامل ce verset مع وضوحه comme il est clair comme il est simple et ولله الحمد المؤمن qui n'est pas aveuglé par ses passions et qui n'a pas de choubah في هذا الباب il le comprend. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqakum, il vous a créé. Et ce que vous faites et vos œuvres. Allahu a'lam, tu ne peux pas trouver plus clair que hadha wa ma'a dhalik. Tu trouves anna al-qadariya al-mu'tazila al-dhullal et yaqulun anna le mal, c'est pas Allah qui crée le mal. Pourquoi? Ils ont des choubah. Anna le mal, c'est le mal. Donc comment prétendre qu'Allah il a créé du mal? Et comment prétendre qu'Allah il a voulu du mal? C'est pour ça qu'ils se sont égarés dans les deux derniers degrés. La volonté al-mashi'a ou al-khalq. Et ça y est, incha'Allah, le jawab, an hadihi al-shubha. On va répondre à ce genre d'ambiguïté, bi'idnillah, dans ce dars ou dans le prochain. Awalan, on explique al-matn. Thumma naqra kalam al-shir sa'di. On a détaillé qalilan les quatre degrés, les madal, Cheikh Saadi rahimahullah, il les a pas détaillés dans le char, mais il a cité un kalam mufid jiddan sur l'égarement de al-qadariya ou al-jabriya, sur les causes, sur les fruits du par rapport à la croyance au destin. Inch'Allah, ça sera dans notre prochain dars. Mais aujourd'hui, on essaye de finir al-matn sur le destin et on essaye de profiter de kalam Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il est mufid jiddan. قوله ومع ذلك فقد أمر العباد. On est revenu à كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله dans le matn. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقصطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. مع ذلك أي avec cette croyance أن الله سبحانه وتعالى il a tout décrété, il a tout écrit, il sait tout سبحانه وتعالى فقد أمر العباد أي ne pas comprendre أن vu que tout est créé, vu que tout est décrété, vu que tout est écrit, tu penses أيها العبد. Et c'est la principale ambiguïté que les gens ils ont dans le destin. Ne pas penser que, vu que tout est écrit, donc je n'ai plus à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis mon destin. Si je n'adore pas Allah azawajal, c'est que c'est écrit. Ah là, c'est très très grave. Kam halaka min unas bisabab hadihi al-shubha. Wa kam zallat min aqdam. Wa inharafat min afham. À cause de cette ambiguïté, combien de gens ils se sont égarés. Al-Hadha, Cheikhoul Islam, il a fait ce tambi après avoir cité des fondements importants dans le destin, quatre bases, quatre degrés, quatre niveaux, appelle-les comme tu veux, tant que tu comprends, c'est ça l'essentiel. Quatre points importants. Si tu as compris, fahdhar min hadhihi shubha, fais attention à cette ambiguïté. قال ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc Allah سبحانه وتعالى il a tout décrété. Il sait tout. Il a tout créé. عز وجل. Et كذلك il nous a ordonné certaines choses. Fais telle chose, ne fais pas telle chose. Et il y a aucune contradiction. فأنت en tant que عبد, tu dois croire au qadar bien sûr. La croyance du musulman par rapport au destin, parce qu'on a des textes clairs dans le Coran et dans la Sunna. Et كذلك tu dois faire des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a aucune contradiction et tout est écrit. Et tes efforts, ça fait partie du destin. Et si tu ne fais pas d'efforts, iyadun billah, l'insan isega, ça fait partie du destin. Et si tu fais des efforts, tu seras récompensé et ça fera partie de ton destin. Et si tu ne fais pas d'efforts, tu seras châtié justement parce qu'Allah il est juste et ça fera partie de ton destin. Fais du bien. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Fais attention aux ambiguïtés via hadha al-bab. Fais des efforts. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que le bien de l'être humain. C'est l'être humain qui veut du mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lam kulla shay. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, قال ولو كان الإنسان أي عند قوله ومع ذلك فقد أمر العباد ولو كان الإنسان مجبرا على علمه أو على عمله فلتو لكان أمره أمرا بغير ممكن والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا الكلام cette partie c'est un rad على الجبرية الجبرية c'est une secte qui prétend أن l'être humain il est forcé vu que tout est écrit ils ont exagéré في إثبات القدر Ils ont exagéré, ils ont cru au destin, mais ils ont exagéré. Ils ont supposé, ils ont prétendu que l'être humain, il n'a pas le choix. Donc pour eux, tu n'as pas le choix. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a décrété que tu es garé, tu n'as pas le choix. Il a décrété, il a écrit que tu seras guidé, tu n'as pas le choix. Donc ils ne font plus les causes. Allez, hada Cheikh Ibn Uthaymeen, radd alayhim qal, walaw kana al-insan mujbaran. Si l'être humain, il serait vraiment forcé, il n'aurait pas le choix, lakana amruhu amran bighayri mumkin. Ça veut dire que pourquoi, si on est forcé, comme ils prétendent Ha'oula, ces égarés Al-Jabriya, Al-Jahmiya, si Allah subhanahu wa ta'ala il a forcé Al-Ibad comme ils disent, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné de faire certaines choses et il nous a interdit de faire certaines choses. فَلِهَذَا شَرْنَ عُزَيْمِنْ قَالْ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلْ يَقُولْ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous ordonne une chose, ou il nous interdit une chose, c'est par rapport à nos capacités. Ça montre qu'on a la capacité, ça montre qu'on a une volonté. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a différencié min hayth al-hukm entre celui qui a la capacité et celui qui n'a pas la capacité. C'est pour ça que al-mukra, celui qui est forcé, il n'est pas pris en compte. Mathalan wahed, une autre personne ou des personnes, il le force à faire un haram. Alors que lui, il déteste cette chose, il ne veut pas la faire, lakin il le menace. Et il le force. S'il fait cette chose, il n'est pas pris en compte. L'imad al-anahu, il est forcé. Il n'a pas fait cette chose par sa propre volonté. Donc, si on résume al-jabriya, al-dullah, ceux qui prétendent que le qadar, ça implique qu'on est forcé, ils ne font pas de différence entre celui qui est forcé, vraiment, et celui qui n'est pas forcé. Indahum al-kul, tout le monde est forcé, iyadam billah. Ah, là, c'est très très grave. Qala. ويقول تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها وهذا يدل على أنهم قادرون على فعل الطاعات. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre, مثلا, الصيام il arrive bientôt. إن شاء الله تعالى. Il y a une différence entre celui qui peut faire الصيام et celui qui ne peut pas. Celui qui peut le faire, il doit le faire et s'il ne le fait pas, il risque une punition, un châtiment. Et celui qui ne peut pas, il est excusé. Donc il y a une différence entre la capacité là, donc, et l'incapacité. Ces choses, c'est clair. C'est pour ça qu'il n'y avait pas cet égarement à l'époque des salaf, à l'époque des sahaba, radiyallahu anhu. Ça, c'est venu après la génération des sahaba. Lakin, ahlul bida, ils ont compliqué les choses, des choses très très simples. Anta, en tant que abd, en tant que serviteur, en tant que croyant, certaines choses, tu n'arriveras pas à comprendre du destin. Al-Qadar, c'est Sirrullah, hakada yaqul ba'du ahl al-ilm. Certaines choses, tu ne pourras pas comprendre. Si tu viens à trop réfléchir, fi bab al-Qadar, et à te poser trop de questions, tu t'égareras. Donc fais attention, akhil kareem. Anta Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé pour l'adorer. Adore-le. Et sache que tout est écrit. Et avance. Et si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu meurs à la tawhid, tu rentreras, bi idnillah azza wa jalla au paradis. Et tu auras la récompense éternelle. Amawad al-Nas, là, tout ça, ils le mettent de côté. Et nuit et jour, mais pourquoi on doit faire si tout est écrit, mais pourquoi telle chose, mais comment. Et là, ils ont des doutes. Fatrouk, hada bab al-Qadar, il est fondé sur at-taslim ou l'inqiyad. Il faut se soumettre. Et comme yaqul ahlul ilm, Cheikh Ibn Uthaymeen wa ghayruh, on essaiera le prochain cours de résumer. Hada, anta aslan, tu ne sais pas. Qu'est-ce que Allah il a décrété pour toi? Maintenant, est-ce qu'un de nous, l'un, il sait, est-ce qu'il va faire siyam amla? On ne sait pas. Est-ce qu'on sera en vie, premièrement, ou pas? Deuxièmement, si on a envie, est-ce qu'on le fera ou pas? On ne sait pas. Kadalik, est-ce qu'on aura la capacité? On ne sait pas. Mouhim, on ne sait pas. On a une bonne intention. Enfin, et l'intention de le jeûner. Fais des efforts, jeûne-le. Dès que tu as fini siyam ramadan, ihmadillah, et c'est ton destin. Kadalik, tu dois réfléchir. Maintenant, le Ramadan n'est pas encore arrivé, se pose la question. Mais si tout est écrit, bah pourquoi jeûner vu que tout est écrit? Et il se pose des mauvaises questions. Et Ba'dhum, il le délaisse. Thumma, si tu lui dis, mais pourquoi tu ne fais pas siyam, il te dit, c'est le qadar. Pourquoi tu ne fais pas siyam et tu dis, c'est le qadar. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste et tu auras ta récompense. Lakin, rentrer dans des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y en a certains points du qadar, c'est lié à l'invisible. Et on ne peut pas tout comprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'on a besoin. Donc on doit se limiter. On fait attention à deux points. Par rapport au sifat, al-kayfiyya. Wa hadha, on l'a vu, walillahi alhamd, on l'a étudié dans cette risala. Elle demandait comment tel attribut, pourquoi il a arrêté, c'est une porte d'égarement qui s'ouvre. Si l'insan ne la ferme pas, il risque très très gros. Et le deuxième point, le destin, al-qadar. Fais attention, Akhil Karim. C'est pour ça qu'on doit étudier هذه المسائل عند أهل العلم. On doit étudier ce genre de sujet chez les savants de la Sunna, en se basant sur leurs ouvrages, en revenant à eux avec la compréhension des salaf. Vous avez remarqué que l'imam Nutaymiyyah, rahimahullah, il a simplifié les choses. Les quatre degrés, c'est au moins une réponse al-Jabriya. Inch'Allah, on va finir la réponse al-Qadariya. Alhamdulillah. Thumma, tu avances. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Et le muslim, tant qu'il fait des efforts, il est à la khayr. قال رحمه الله قوله يحب المتقين والمحسنين والمقصدين إلى آخره هذا تقدم معنا صفة المحبة on avait vu des versets أن الله سبحانه وتعالى يحب قوله ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر هذا قد يقول قائل كما قال الشيخ ابن عثيمين فvu que le فساد il existe sur terre. Et Al-Kufr, il est présent. La plupart des gens, c'est des koufars. Et Al-Fasad, il est kathir. Fil barri wal bahr. Si Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas Al-Kufr, il n'aime pas le fasad, il n'aime pas le désordre, il n'aime pas la corruption, il n'aime pas la mécréance, il n'aime pas les péchés. Et vu qu'on a vu que tout ce qui se passe sur terre, c'est décrété. Et vu qu'Allah, il l'a décrété, donc il l'a voulu. Parce que c'est un des degrés du qadar, Al-Mashi'a. Et كذلك, s'il se passe sur terre, c'est que c'est une créature d'Allah. Donc Allah, il l'a voulu, il l'a créé. Wahid, il peut se poser la question, mais pourquoi? Alors, il n'arrive pas à comprendre comment Allah, subhanahu wa ta'ala, il a voulu et créé une chose mauvaise. La mécréance, le fasad, il a akhiré. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجواب, la réponse. لا أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرضاه. وهذا الذي يقع من فعله عز وجل وهو مكروه له. هو مكروه له من وجه محبوب له من وجه آخر لما يترتب عليه من المصالح العظيمة. Pour comprendre هذا, il faut avoir étudié les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir étudié la croyance des salaf. Rien, on a du mal à comprendre. Pourquoi? Parce que on regarde que d'un œil. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur de toutes choses. Donc Allah, il a tout créé. Le bien comme le mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété. Et tout ce qui se passe, c'est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et Allah, il l'a voulu. On est d'accord. Donc, il a tout créé. Tout ce qui se passe, il l'a voulu. Kadhalik, il ne faut pas oublier, Allah Azza wa Jal, c'est le Hakim. Ça, c'est un point très, très important. Allah, subhanahu wa ta'ala, s'il a créé cette chose, il y a une hikmah. Et ahyanan, la hikmah, c'est que cette chose, elle soit mauvaise en apparence. On a déjà donné l'exemple, kathiran, pour te soigner, Ahyanan, pour te soigner, tu dois te faire opérer. Tu dois subir telle chose, tu dois prendre tel médicament. C'est très mauvais pour toi à la base. T'ouvrir le corps, c'est très mauvais à la base. Lakin ahyanan, ton corps, il doit être ouvert avec une opération. Et al-hikma min dalik, la sagesse, c'est pour t'enlever telle mauvaise chose, pour te soigner, pour te guérir, etc. Donc si on rassemble entre al-fi'l ou al-hikma, on arrivera à comprendre. Si on regarde que d'un œil, on aura beaucoup de mal à comprendre. تأمل كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال فمثلا الإيمان محبوب لله والكفر مكروه له. الإيمان, Allah il aime l'Iman, يحب المتقين, يحب المحسنين, يحب التوابين, etc. Et Allah سبحانه وتعالى déteste le kufr. ولا يرضى لعباده الكفر. Et Allah سبحانه وتعالى déteste le fasad, la corruption, la mécréance, les péchés. La foi. Et les croyants, ils sont présents sur terre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés, qui a voulu. Iradatun shar'iyya pour les croyants. Et la mécréance, elle est présente sur terre, et les koufars, ils sont présents, et c'est Allah qui l'a voulu. Iradatun qadariya kawniya. Huna, on est d'accord. Qala Cheikh Al-Uzaymin, fa'awqa'a al-kufr wa huwa makruhun lah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu ce kufr et il a créé les mécréants et la mécréante alors qu'il déteste ces choses. Lakin pourquoi? Les masalihin azima, pour des sagesses énormes, pour celui qui réfléchit. Qala Cheikh Al-Uzaymin rahimahullah, il a cité quelques sagesses. Li'annahu lawla wujud al-kufr ma'urifa al-iman. S'il n'y aurait pas de kufr, tu n'aurais pas pu distinguer entre un tel saint mu'min, un tel saint kafir. On serait tous pareils. Deuxièmement, s'il n'y aurait pas le kufr, tu n'aurais pas pu te rendre compte de la valeur de l'iman. Pour connaître la valeur d'une chose, il faut un opposé. Tout le monde aurait la foi, tout le monde aurait une foi parfaite, entre guillemets, et s'empêcher, etc. Il n'y aurait plus de nahi anil munkar. Il n'y aurait plus de jihad. Il n'y aurait plus de tawbah. Il n'y aurait plus de repentir. L'enfer, ça servirait à rien. Et comme min masalih, al-nasiha, kadalik les sentences d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-hudud, tout ça, ça disparaît. Qala, walawla wujud al-kufr, ma qam al-jihad. On vient de le citer. Walawla wujud al-kufr, lakana khalq al-nar abathan. On l'a cité كذلك. قال لأن النار مثوى لأن النار مثوى الكافرين ولولا وجود الكفر لكان الناس أمة واحدة ولم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا وهذا لا شك أنه مخل بالمجتمع الإنساني. Donc la hikma, يتميز الخبيث من الطيب, المجاهد من المجرم, الصالح من الطالح. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'iman et son opposé le kufr. Il a créé les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses alliés et Shaitan et ses alliés, tout ça pour que tu sois éprouvé, qu'on fasse des efforts, on reconnaisse la ni'ma. Et Allah, il est juste. Celui qui fait le bien, il sera récompensé par le bien. Celui qui fait du mal, il sera châtié par rapport à ce que ses mains elles ont fait. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Et ma'a dhalik, même si tu fais du mal, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Tu te repens, Allah, il te pardonne tout. Tu savais pas, Allah il te pardonne. Tu te repens pas, tu savais, t'as fait volontairement, tu meurs. Tant que c'est pas du shirk, Allah il peut te pardonner. S'il te pardonne pas, un jour tu sortiras minan nar. Rabbuna il est karim. Lakin ba'd an-nas ayadan billah ta'atharu bi ahli al-kalam wa bi ahli al-bid'a fi hadha al-bab. À cause de la philosophie, à cause des innovateurs, à cause des koufars, à cause des égarés. Et ayadan billah, ils ont un sou au vent billah. Quand ils parlent du Qadar, directement, ils essayent de voir les mauvais côtés et ils font une conclusion très très grave que c'est injuste. L'imada, vous avez remarqué qu'en général, ceux qui disent que le Qadar s'est fondé sur l'injustice, ou ils disent pourquoi on œuvre, ou ils disent, ou plutôt ils font pas d'efforts, etc. En général, c'est ceux qui font beaucoup de péchés et qu'ils ne veulent pas faire d'efforts. Illa, ça arrive de se poser cette question. Ça y est, ma'ana al-hadith, les sahaba radiyallahu anhum, ils ont posé cette question au professeur Hassan, ça arrive. Lakin, quand l'insan sait la réponse à lui vient, ils font beaucoup d'efforts. C'est pour ça que sahaba radiyallahu anhum, c'est ce qu'on fait le plus d'efforts. Et cette question au départ, elle est légitime. La première fois, ou quand au départ, tu entends parler du qadar, tu te poses cette question. Une fois que tu as la réponse, continue. Mais celui qui a la réponse, et il continue à chercher une faille, ou une contradiction, c'est parce qu'il ne veut pas œuvrer fil haqiqa. Wa illa fa at-tariq li wadih, la voie elle est claire. Hada kalam mufid de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah. Et demain inshallah, quand on lira kalam Cheikh Saadi, on essaiera de lire un autre kalam mufid, wa hada sayati ma'ana inshallah ta'ala en détail fi at-tadmuriyya. At-tadmuriyya, c'est un kitab nafis jiddan. Et taqaddam ma'ana anna ce livre, il est fondé en deux parties. La première partie sur les attributs d'Allah Azza wa Jal et la deuxième partie sur le destin. Et Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a cité cette mas'ala du qadar, ce qui se repose sur le qadar par rapport au péché. Cheikhoul Ibn Taymiyyah rahimahullah, il l'a simplifié dans le taqrib. Fa nas'alullah Azza wa Jal at-tawfiq pour pouvoir étudier ce livre inshallah prochainement. Thumma qala, on finit kalam al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. قال والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خلقهم وخالق والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم سنرد على القدرية أن المؤمن الله سبحانه وتعالى بل l'être humain الله سبحانه وتعالى lui a donné une irada. Celui qui veut faire du khayr il le fera, celui qui veut faire du mal il le fera. فلهذا قال والعبد هو المؤمن والكافر والفاجر إلى آخره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني أن الوصف بالإيمان والكفر والبر أو بتو والبر والفجور والصلاة والصيام وصف للعبد لا لغيره. فهو المؤمن وهو الكافر وهو البار وهو الفاجر. Aïe, quand on dit « Foulan al-mu'min », pourquoi on dit que c'est un mu'min ? Parce qu'il a fait des actes du cœur, avec sa langue, avec ses membres, qui font partie de la foi. Donc, il a mérité le nom de croyant. Pourquoi on dit « al-kafir » ? Parce que c'est lui-même qui fait. Aïe, en gros, celui qui fait une chose, il est responsable de ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est écrit. Tout est décrété. Lakin, il est responsable. Et il a la capacité de choisir. Hada, ma'na kalam, Cheikh l'Islam, huna. قال فهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. أي القدرية il y a deux groupes. Le premier qui est à l'époque de بعض الصحابة رضي الله عنهم et qui n'existe plus aujourd'hui en tant que groupe. Ceux qui ont rejeté l'ilm ou le kitab, هؤلاء des kuffars. ثم يا القدرية de notre époque Al-Mu'tazila, qui ont rejeté Al-Mashi'a ou Al-Khalq, comme on a cité précédemment. Et pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas voulu le mal, il n'a pas créé le mal. Hada, c'est leur égarement et c'est leur shubha qu'on détaillera, incha'Allah ta'ala, dans le prochain dors. Amma qawluhu, sammahum un-Nabi sallallahu alayhi wa sallam majouz, hadhihi l'umma. Hada, l'hadith, il est hasan. Il a beaucoup de chaînes de transmission et beaucoup de ces chaînes, elles sont faibles. لكن بمجموع هذه الطرق avec tous ces isnad الحديث لحسن كما بين الإمام الألباني رحمه الله في ظلال الجنة قال ويغلو فيها donc le premier groupe القدرية ils se sont égarés في هذا الباب. Ils ont dit donc que l'être humain il a bien sûr sa propre volonté, c'est lui qui crée ses œuvres. أما الله سبحانه وتعالى sa volonté, elle n'a aucun impact sur l'action de l'être humain et ce n'est pas lui qui a créé ses œuvres. Donc, ils se sont égarés min hadha al-bab. Qala wa yaghlu fiha qawmun min ahli al-ithbat ay al-jabriya alladhina yuthbituna al-qadr hatta salabu al-abd qudratahu wa ikhtiyarahu wa yukhrijuna an af'a wa yukhrijunahu na'am wa yukhrijuna an af'al na'am wa yukhrijuna an af'alillah wa ahkamihi hukmaha wa masalihaha. Naam, wal jabriya, c'est l'axe. Ils disent que l'insan, il est forcé. L'insan, il n'a aucune volonté, aucune capacité. Donc, tu as deux extrêmes. Al-Qadariya, wal jabriya, et Ahl-Sunnah, c'est les justes milieux qui ont appliqué hadhihi al-Aqida et ces quatre degrés. Walillahi alhamd. Et le prochain cours, Inch'Allah, on lira Kalam al-Sheikh Sa'di. C'est un Kalam Mufid Jiddan. Et on essaiera de se concentrer sur deux choses. Amma aujourd'hui, c'était sur les quatre degrés. Donc, réviser ces quatre degrés. Al-ilmu, Allah il sait tout. Al-kitab, Allah il a tout écrit. Al-mashi'a, tout ce qui se passe, Allah il l'a voulu. Et al-khalq, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé. Ça, c'est les quatre degrés, les quatre niveaux, les quatre fondements du qadar, du destin. Si tu as compris cela, le prochain cours, Inch'Allah, on va se concentrer sur... l'égarement de Al-Qadariya et de Al-Jabriya, ces deux groupes. Et on conseille à nos frères, s'ils peuvent écouter la kalima qu'on avait fait sur la série sur les sectes en islam, on avait détaillé l'égarement de ces deux groupes. Ça leur facilitera pour leur prochain cours. Et kadhalik, on se concentrera sur les choubahs, sur les ambiguïtés. Et la principale ambiguïté, Naoum Yaqouloun, pourquoi œuvrer alors que tout est écrit ? On lira un kalam mufid de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Et on répète les références. Il y en a possible qu'on oublie pour le prochain dars. Donc, la principale référence, bien sûr, après Al-Qur'an Karim et Sunnat al-Nabi alayhi sallam, Le livre de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Shifa'ul 'Alil, il a traité ce sujet en détail. Et, alhamdoulilah, c'est un imam parmi les imams de Ahl al-Sunnah. Ce livre, il a été imprimé en deux volumes. Et kadhalik, le livre de Sheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, al-jami' al-sahih fil qadr. Le livre de Sheikh Muqbil, rahimahullah, il a cité une introduction tayyiba. Il a montré la voie des salafs. En se basant sur kalam ahl al-ilm, c'est ce qu'on vient de lire, walillah alhamdul wasitiyya. Kadhalik, il a cité les fruits de l'iman bil qadr, celui qui croit au qadr. Alhamdulillah, il va profiter de beaucoup de choses. Et on les avait lus avec certains frères à l'époque et on les avait propagés, walillah alhamd. Et le livre de Sheikh Muqbil, c'est essentiellement des ahadith. Al-Jami' al-Sahih, il a rassemblé tous les ahadith qui, selon lui, rahmatullah alayhi, ils sont authentiques, ou hassan, et il les a rassemblés dans ce livre. C'est devenu une référence. Donc celui qui veut des adillah fil qadar, celui qui veut des preuves concernant Ahad al-Bab al-Azim, il revient au livre de Sheikh Muqbil, tu trouveras la plupart des preuves. Min al-Qur'an ou min al-Sunnah. Et celui qui veut al-Tafsil wa al-Sharh wa al-Bayan, l'explication, la voix de Ahl al-Sunnah, la parole des imams, etc., il revient au livre de الإمام ابن القيم رحمة الله عليه نكتفي بهذا ونبص عن notre deuxième درس بإذن الله عز وجل